Bye bye la baignoire, bonjour la douche. Moi j'appuie sur une touche et je prends rendez-vous aussitôt pour qu'un artisan s'occupe de mes travaux. C'est easy. Prendre rendez-vous en ligne avec un artisan qualifié pour des travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Easy by EDF. Informations et conditions sur easy.edf.fr. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Le 5 octobre dernier, le prix Nobel de médecine a été remis à trois chercheurs, Harvey Alter, Charles Rice et Michael Houghton, pour avoir contribué chacun leur tour à l'identification du virus de l'hépatite C. Ce virus qui se loge préférentiellement dans le foie, qui se développe très lentement dans l'organisme, conduisant dans 80% des cas à une maladie chronique qui peut elle-même conduire à une cirrhose ou à un cancer. L'hépatite C touche aujourd'hui 130 à 170 millions de personnes dans le monde, avec une forte disparité entre les pays. En France, ce sont entre 4 et 5 000 nouvelles contaminations par an. L'OMS a pour objectif d'éradiquer la maladie d'ici 2030, même en l'absence de vaccin. Hépatite C, un Nobel pour en finir, c'est le programme virologique qui est le nœud poilu qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire de la découverte de l'hépatite C, de celle d'un remède et des pistes de recherche pour la mise au point d'un vaccin, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eliane Meur, bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue, ex-directrice de l'unité Hépacivirus et immunité innée à l'Institut Pasteur, membre du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Et nous sommes en ligne avec Stéphane Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil, et directeur adjoint du Centre national de référence des hépatites virales B, C et Delta. Mais on commence, avec l'actualité scientifique du week-end avec le journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue The Lancet Planet Health. La pollution atmosphérique serait un facteur aggravant de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Et c'est une grande enquête épidémiologique à long terme menée par une équipe américaine sur une cohorte importante. Les chercheurs ont examiné les données de 63 millions d'Américains entre 2000 et 2017. Ce sont des patients qui ont été sélectionnés sur la base d'une première hospitalisation dans un contexte de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Puis, ils ont mesuré leur taux d'exposition annuel aux particules fines, et notamment celle d'un diamètre inférieur à 2,5 microns, donc suffisamment petite pour entrer dans le système circulatoire sanguin. Selon ce papier, cette pollution atmosphérique serait associée à une détérioration des signes neurologiques liés à ces maladies. Catherine Malaplate est biochimiste, neurobiologiste, maître de conférences et praticienne à l'université Lorraine et au CHU de Nancy. Pour elle, cette étude présente des limites. Une des limites de la méthodologie, c'est qu'ils ne précisent pas si la cause de l'hospitalisation, c'est en lien avec leur maladie neurodégénérative ou pas. Donc on peut très bien envisager que les hospitalisations ne soient pas dues à ça et que finalement l'association qu'ils voient avec l'aggravation des signes soit liée au fait qu'ils soient exposés aux particules, mais à d'autres pathologies associées et à d'autres signes associés. Il y a un petit biais là à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas les motifs d'hospitalisation des patients. Donc est-ce qu'il y a réellement une aggravation des signes neurologiques ou est-ce que ce sont d'autres signes qui ont conduit à cette hospitalisation? On n'en a pas l'information. Donc ça, à mon avis, c'est une limite assez importante. La limite d'ordre général d'une étude épidémiologique observationnelle, c'est comme son nom l'indique, elle est juste observationnelle. On n'a pas de lien de cause à effet entre cette association. Donc pour l'instant, c'est une première pierre à l'édifice pour se dire il y a peut-être un risque entre les deux. Ce qu'il faudrait faire, c'est observer ces patients avant qu'ils soient malades. C'est sélectionner les patients en population générale, voir quel est leur niveau d'exposition aux particules fines, les suivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voir quelle est la proportion de cette population qui développe une maladie ou qui ne la développe pas. Déjà là, on fait un lien plus direct entre le développement de la maladie et l'exposition aux particules fines. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait cette démonstration-là, bah, on peut utiliser des études chez l'animal qui vont permettre d'aller vérifier s'il y a un lien mécanistique direct entre cette exposition aux particules et la maladie en question. Sachant que les patients, au sens large, sont exposés à des tonnes de facteurs de risque environnementaux et c'est rarement isolé. Généralement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les facteurs de risque de l'Alzheimer, c'est aussi bien l'alimentation, que la pollution, que... Il y en a plein d'autres, des facteurs de risque. Et en n'en étudiant qu'un seul, on passe quand même à côté d'un certain nombre d'informations. Voilà, vous pouvez retrouver, hein, comme tous les jours, l'étude publiée dans The Lancet sur notre fil Twitter @lamethodefc, ainsi que sur le site internet via franceculture.fr. On passe au bref. Selon une étude parue dans The British Medical Journal, pour soigner le Covid-19, les thérapies par plasma sanguin ont un effet limité. Et le traitement par plasma de convalescence, cela consiste à transfuser du plasma de personnes rétablies du Covid-19 pour que les malades bénéficient de leur anticorps neutralisant. Cette stratégie thérapeutique s'est révélée efficace pour traiter Ebola ou le SRAS. Et aux États-Unis, le plasma de convalescence a été utilisé sur plus de 100 000 patients hospitalisés entre avril et août. Selon cette étude, sur 426 patients en Inde, une moitié a reçu des transfusions de plasma et des soins habituels, et l'autre moitié, le groupe contrôle, a seulement reçu des soins habituels. Aucune réduction de mortalité concluante n'a été observée. Néanmoins, d'autres essais cliniques sont en cours avec des niveaux d'anticorps neutralisants supérieurs à cette étude indienne. La sonde Osiris Rex de la NASA est en train de perdre ses échantillons de l'astéroïde Bennu. Oui, la mission de collecte s'est bien passée et même un peu trop bien. Le bras robotisé a prélevé une trop grande quantité de roches. Résultat, le boîtier de collecte se ferme mal. Des photos ont révélé qu'un nuage de poussière s'échappait de la sonde. Selon les images, Osiris Rex aurait récupéré 400 grammes de roche, beaucoup plus que prévu, mais elle en aurait déjà perdu 5 à 10 grammes. Alors pour limiter les fuites, les activités de l'appareil sont réduites au strict minimum. Ces prochains jours, le précieux butin devrait être stocké au centre de la sonde avant de pouvoir entamer son retour sur Terre en mars prochain. Et selon une étude parue dans eScience, les premiers dinosaures volants seraient des expériences évolutives ratées. Oui, une équipe américano-chinoise a analysé les fossiles de deux petites espèces de dinosaures théropodes, Yi et Ambopteryx, vieux d'environ 160 millions d'années. Alors un peu comme pour les chauves-souris, ces deux spécimens possèdent une membrane de peau entre leurs doigts allongés. Après l'analyse de minuscules détails de leur tissu mou, les calculs aérodynamiques montrent que ces deux dinosaures avaient une capacité de vol proche du poulet, c'est-à-dire presque nulle. Le vol plané, hein, comme pour les écureuils volants, n'était pas leur fort non plus. Ils devaient glisser maladroitement entre les arbres, nous dit l'étude. Yi et Ambopteryx n'ont pas pu rivaliser avec les autres espèces arboricoles, comme les oiseaux, et ont été évincés de l'histoire évolutive. Vous n'êtes évincé de nulle part et vous revenez demain pour le prochain Journal des Sciences. À demain, Natacha. 44 ans après le prix Nobel de Baruch Blumberg pour la découverte du virus de l'hépatite B en 1976, ce sont donc trois chercheurs, trois hommes, Harvey Alter, Charles Rice et Michael Houghton, qui ont été récompensés cette année pour la découverte de celui de l'hépatite C, une découverte qui s'est étalée donc sur plusieurs années, en plusieurs étapes, depuis la fin des années 70 jusqu'aux années 2000. Et ce sont ces travaux qui ont permis de mettre au point un traitement particulièrement efficace, peut-être le traitement le plus efficace en virologie. Cette découverte et cette aventure, c'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui tout au long de cette heure, en commençant et bien sûr par l'annonce du prix Nobel le 5 octobre dernier. Karolinska Institutet has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of hepatitis C virus. On a trouvé un marqueur qu'on appelle un antigène d'une nouvelle classe de virus qui était ni A ni B, donc c'était qui sont les deux virus connus. On a réussi en extrayant ce virus du foie, toujours en utilisant le marqueur qu'on avait mis au point, à montrer que ce virus avait des points communs avec le virus B, mais qu'il en était distinct par d'autres éléments. Et là, d'ailleurs, il entraîne des maladies qui sont voisines mais différentes, qui ont leur caractère propre. Et donc, au total, on a bien confirmé qu'on avait identifié un agent qui était responsable d'hépatite non A non B, mais qui avait une parenté morphologique, structurale et aussi un antigène commun avec le virus B. Voilà, vous avez entendu hein, l'annonce du prix Nobel. C'était le 5 octobre dernier. Et puis, on a fait un bond de 40 ans en arrière, puisque la deuxième archive que vous venez d'entendre, c'était Christian Trépeau, sous-directeur du Centre d'épidémiologie de l'hôpital Herriot à Lyon, dans le journal de France Inter, le 16 février 1980, qui racontait la découverte de ce nouveau virus. Peut-être une réaction à ce prix Nobel plus généralement, Yann Meurs. Oui, je trouve que c'est un prix vraiment... On ne peut plus mériter, puisque c'est le premier virus à avoir été identifié par clonage moléculaire. Et en plus, c'est le premier virus qui donne une infection chronique et pour lequel on a un traitement. Donc, c'est fantastique. Votre sensation, votre sentiment, Stéphane Chevalier, à ce prix Nobel, il était attendu depuis... Ça faisait quelques années qu'on se disait que l'hépatite C, c'était nobelisable ou que c'était dans les cartons, en tout cas. Effectivement, pardon, après l'hépatite B, on est ravis effectivement que l'hépatite C ait pu être récompensée et reconnue par trois brillants chercheurs pour des travaux tout à fait différents entre Michael Houghton qui a effectivement cloné le virus et qui a permis donc sa découverte, Hervé Alter qui a travaillé plus généralement au NIH aux États-Unis sur les hépatites virales et plus spécifiquement sur l'hépatite C. Et puis Charlie Rice, qui a mis au point et découvert de nombreux modèles cellulaires, en particulier des modèles cellulaires permettant la production de virions infectieux. Donc on est vraiment très fiers que ces trois personnages, ces éminents personnages, aient pu être récompensés. À votre kilomètre, prenez la sortie. C'est une... il va falloir couper la voix de votre petit... Faites attention si vous êtes en voiture, coupez la voix de votre conducteur automatique. Un mot peut-être, Eliane Meurs, sur le fait que cette histoire, ces travaux qui ont été récompensés, c'est une histoire qui s'étale sur de longues années, hein, qui commence, comme je le disais, depuis les années 70 et qui va jusque quasiment aux années 2000. Et même, on peut dire, les années 60. Tout à fait. Mais avant ça, dans le groupe de Bloomberg, puisqu'ils travaillaient justement sur... ils avaient beaucoup de sérums de patients multi-transfusés, parce qu'à l'époque, on transfusait les patients sans pourtant... On ne pouvait pas cribler le sang, donc il y avait des problèmes. Donc, transfusion d'hépatite. Et c'est donc le travail de Harvey Alter qui a montré, lorsqu'ils faisaient leur réaction immunologique, la présence d'un antigène tout à fait mystérieux qui réagissait en rouge parce que avec leur colorant. Et comme ça provenait par hasard d'un échantillon d'un aborigène australien, on appelait ça l'antigène australien. C'était l'HBS en fait de l'hépatite B. Et c'est ensuite qu'après des travaux d'autres chercheurs, par exemple Prince et puis aussi Dane qui a vu les particules par microscope électronique, une fois qu'on a eu l'antigène, on a pu donc trouver l'antigène, enfin l'hépatite B, et ensuite, par élimination, puisque Feinstein, en 1973, a identifié le virus de l'hépatite A, donc on pouvait enfin cribler contre le B, contre le A, et il restait toujours du sang qui était, par transfusion, capable de transférer une hépatite. Et donc c'était le non-A, le fameux non-A, non-B. C'est à partir de là que Michael Houghton est rentré en course. Eh ben, on va justement détailler cette histoire. On va essayer de comprendre un peu ce qu'est et quelles sont les spécificités de cette hépatite C. Des traitements aussi, hein, puisqu'on l'a dit, les virus, et on en parle beaucoup en ce moment, sont difficiles à combattre. Mais pour l'hépatite C, il y a un remède qui est particulièrement efficace, peut-être le plus efficace en virologie. Et puis on va penser et réfléchir aussi aux pistes de recherche autour de ce virus de l'hépatite C. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de l'hépatite C qui a valu le prix Nobel à Harvey Alter, Charles Rice et Michael Houghton le 5 octobre dernier. Prix Nobel de médecine, bien sûr. Nous en parlons avec Eliane Meurs et Stéphane Chevalier. Alors, on va remonter justement le temps, parce qu'effectivement, comme vient de le dire Eliane Meurs à l'instant, les premiers travaux sont ceux d'Harvey Alter qui travaille donc avec Baruch Bloomberg autour de l'identification de l'hépatite B. Stéphane Chevalier, il y avait encore une fois ce virus non-A, non-B. Quelle était la contribution exacte d'Harvey Alter dans l'identification de cette nouvelle hépatite virale? La contribution d'Harvey Alter a été majeure. Effectivement, comme l'a précisé Eliane, il a permis la mise au point d'un marqueur qui ensuite a permis la détection de ce nouveau virus au niveau d'hépatocytes et de foie, pardon, de patients infectés. C'est-à-dire, quels sont les marqueurs exactement qu'il découvre et pourquoi il se rend compte qu'après avoir identifié le A et le B, il reste encore un problème et une hépatite virale qu'on n'arrive pas très bien à comprendre? Ben, c'est tout simplement des constatations épidémiologiques. En effet, de nombreux patients développaient des hépatites virales, c'est-à-dire des inflammations du foie, plus spécifiquement donc des hépatocytes qui sont le constituant cellulaire majeur du foie. Et on s'est aperçu que ces hépatites étaient dues ni au virus de l'hépatite A, ni au virus de l'hépatite B. Donc il restait un agent transmissible par le sang qui était responsable de ces hépatites virales. Et c'est la découverte de ce virus qui a permis effectivement la mise au point, la découverte de ce virus en 1989. Et deux années après, la mise au point donc de tests ELISA qui permettaient de dépister les anticorps du virus de l'hépatite C. Chez les sujets potentiellement affectés par ce nouveau virus. Harvey Elter, il publie dans The Lancet à la fin des années 70. Et vous le disiez tout à l'heure, Eliane Meurs, c'est Michael Houghton qui va prendre un peu le relais, qui travaille lui à l'époque dans une entreprise de biotechnologie californienne sur des modèles simiesques, sur des chimpanzés. Oui, à Chiron. Pour identifier ce virus, l'idée qui était liée à l'époque, parce qu'on commençait à comprendre les techniques de clonage moléculaire, même si c'était dans les balbutiements. Donc il a eu l'idée, justement, d'aller identifier ce virus en clonant, en isolant la séquence de ce virus. Et ça a été très difficile. Alors racontez-nous un peu en quoi ça consiste, cette technique de clonage moléculaire, et quels ont été les apports, justement, de Michael Houghton à ce propos. Mais d'abord, il fallait... prendre le sang de patient et puis cloner ce que l'on pouvait trouver. Mais les titres étaient très faibles. Les titres, c'est la quantité du virus, d'ailleurs, présent dans le sang et capable de réinfecter. Donc, lorsqu'ils se sont tournés très rapidement en collaboration avec le CDC, vers des chimpanzés qui étaient infectés avec ce sérum provenant de patients, qui avaient ce fameux non allombé, et jusqu'à ce qu'ils trouvent. Et donc là, à l'époque, on prenait le sang, le sérum de ces chimpanzés, et on faisait des hybridations avec des sondes radioactives, c'était très lourd, et on comparait les tissus sains et les tissus contaminés, juste par soustraction. Et on trouvait rien, c'était trop faible. Et donc finalement, les années passaient, donc ils ont réussi à faire de ce qu'on appelait le clonage dans ce qu'on appelle le phage lambda GT11, c'était vraiment les balbutiements, pour faire une banque de cDNA. Et à partir de là, ils ont pris comme antigène quelque chose qui venait du sérum d'un patient très infecté. Ils ont réussi à trouver ça. Et c'est là que, après 5 ans d'efforts et des millions de clones testés, ils ont eu enfin un clone positif. Et c'est là que ça a démarré. Ils ont vu après marcher sur la séquence et avoir les 10 000 nucléotides, les 9 600 nucléotides de ce virus. De ce virus et donc de le séquencer. Sylvain Chevalier, oui, c'est ça. Il faut vraiment préciser qu'à cette époque, sur les travaux de Michael Houghton, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte du foin. C'est un travail de fourni. Je crois qu'ils ont cherché, ils ont fouillé à travers plus d'un million de séquences avant de réussir à mettre la main dessus, c'est ça? Exactement. Et de toute façon, ça a persisté encore pendant des années puisque la mise au point après en 2005 de cultures productives de virus. Vous voyez, entre la découverte du virus 1989 et 2005, la mise au point de cultures cellulaires permettant la production de virions infectieux, il a fallu de nombreuses années pour permettre effectivement de mettre au point des modèles in vitro de cultures de virus. Donc c'est effectivement trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est donc ce travail-là de fourmi qui a été récompensé par le prix Nobel pour Michael Houghton. La séquence génomique est publiée donc dans le magazine Science, vous l'avez dit, en 1989. Quels sont les apports de Charles Rice à partir de ce moment-là sur ses travaux? Comment est-ce qu'il contribue à une meilleure connaissance de ce virus de l'hépatite C, Stéphane Chevalier? Alors, Charles Rice, effectivement, n'a pas participé précisément à la découverte du virus, mais il a effectivement, depuis son laboratoire à Nouriel, pendant très très nombreuses années, permis la mise au point de très nombreux modèles, in vitro et in vivo. En particulier, il a permis la mise au point d'un modèle de culture cellulaire qui a permis, pour la première fois, à partir donc d'ARN transcrit qui sont transfectés à l'intérieur de cellules hépatocytaires ou à partir donc de sérum infecté par un patient, déposé sur des cultures cellulaires, de produire des virus. Et donc, il a mis ça au point. Et d'autre part, il a permis également l'étude de la physiopathologie de l'infection et le développement de modèles in vivo, en particulier de petits modèles animaux, de modèles murins, qui sont transgéniques pour un ou plusieurs éléments du complexe récepteur et qui ont permis l'étude de la physiopathologie de la réponse par le virus de l'hépatite C. Hélène Mercier. Oui, oui, oui, Stéphane, c'est tout à fait exact, mais je voudrais revenir un peu sur, au départ, sur un point sur les travaux de Charlie Rice, qui effectivement avait déjà travaillé sur de nombreux virus, et flavivirus, etc., et donc il connaissait bien les modèles. Son apport essentiel, au départ, ça a été de trouver que la séquence faite par Michael Houghton n'était pas complète et qu'il manquait quelque chose à la partie, à l'extrémité 3' de l'ARN du virus, ce qui fait que si on pouvait infecter des chimpanzés, on pouvait pas avoir des cultures cellulaires. Donc, ils ont réussi à rajouter, à compléter. Mais toujours, on n'arrivait pas, à transfectant l'ARN dans les cellules, d'avoir des virions qui étaient produits. On n'arrivait pas à infecter les cellules non. in vitro, en fait. Non, non, on pouvait aller dans les chimpanzés, mais pas in vitro. Et c'est à partir de là que il faut noter le travail prodigieux d'un groupe allemand, le docteur Ralf Bartenschlager, qui a mis au point les premiers réplicons, les premières unités de réplication du virus. C'était des modèles artificiels parce que tout le virus n'était pas là, mais au moins ça répliquait. Et c'est à partir de là que tout le monde, y compris Charlie Rice, qui a eu un apport majeur, c'est de pouvoir commencer à chercher des inhibiteurs de la réplication virale. C'est à partir de là que ça a commencé. Et ce n'est qu'en 2005, comme le soulignait Stéphane, qu'on a eu les premiers modèles d'infection réelle grâce aux travaux d'un chercheur japonais, Dr Takashi Wakita, qui a eu le premier réplicon qui se répliquait sans faire d'erreur. Donc il s'est dit, à partir de là, je vais pouvoir faire le virus en entier. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et ensuite, tout le monde a utilisé son unité de traduction, de réplication, la polymérase, pour les mettre dans les différents modèles. Et maintenant, on arrive à faire du virus avec pratiquement tous les génotypes du VHC, sauf un encore. On va l'évoquer tout à l'heure, hein, parce que le virus de l'hépatite C, il a plusieurs génotypes et qui appellent d'ailleurs des réponses différentes. Peut-être un mot, vous voulez réagir à ce que vient de dire Eliane Meurs, Stéphane Chevalier? Non, non, Eliane a tout à fait raison. Effectivement, la contribution de Charlie Rice a été majeure. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur les travaux de recherche du chercheur japonais, le docteur Wakita, c'est vrai que le clonage a été réalisé à partir d'une souche, la souche JFH1. Et pour la petite histoire, cette souche a été isolée chez un patient atteint d'une hépatite fulminante. Et pour les médecins qui traitent l'hépatite C, c'est un peu un petit sourire, puisque effectivement l'hépatite C, en tout cas son hépatite, sa forme symptomatique dans l'hépatite aiguë, n'est à ma connaissance pas responsable d'hépatite fulminante. Donc déjà, vous voyez que cette souche qui a servi à son clonage et à permettre la production de système infectieux était déjà une souche un petit peu particulière. Bien sûr. Alors peut-être qu'on peut en parler directement de ces virus de l'hépatite C. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on peut les décrire? De quelle famille font-ils partie? Quelle est la différence entre l'hépatite C et les deux autres hépatites, Eliane Meurs? Les deux autres hépatites. Oui, le virus de l'hépatite C, c'est un virus dont le génome est un ARN positif. Donc, il peut être traduit directement en protéine quand il rentre dans la cellule. L'hépatite B, c'est un virus ADN. Et le VHC appartient à la grande famille des flaviviridés, comme les flavivirus, mais contrairement aux flavivirus, donc vous connaissez la fièvre jaune et la virus de la dengue. On connaît parce que vous nous le dites, parce que sinon personne, tout le monde ne sait pas que les flavivirus sont la fièvre jaune. Si on dit virus de la fièvre jaune, ça dit quelque chose. Absolument. Voilà. Mais ceux-là, comme on le sait aussi, sont transmis par les moustiques, les tiques, etc. Mais le virus de l'hépatite C est un virus qui est transmis par le sang, par la voie parentérale. Stéphane Chevalier, pour compléter cette description, les particularités de ce virus de l'hépatite C, de ce VHC, on a dit, il a plusieurs génotypes, des génotypes différents notamment. Alors, il a effectivement plusieurs génotypes, et je voudrais juste revenir sur le fait que le virus de l'hépatite C a un tropisme pour le foie, quasi exclusivement. Alors, même s'il y a des travaux de recherche dans la littérature qui montrent que le virus de l'hépatite C pourrait infecter d'autres organes que le foie, il faut retenir quand même que le virus de l'hépatite C a un tropisme quasi exclusif pour le foie, et en particulier le constituant cellulaire majeur du foie, que sont les hépatocytes. Qui sont les cellules de foie, précisons-le. Voilà. Exactement. Dont la réponse immune est à l'origine donc de la destruction des hépatocytes. Et donc, comme vous aviez parlé dans l'introduction, effectivement, l'infection chronique par le virus de l'hépatite C est alors responsable de complications majeures au niveau du foie, que sont une fibrose extensive qui peut se transformer en cirrhose et qui fait le lit du cancer primitif du foie ou hépatocarcinome. Allez-y, je vous en prie. Juste pour revenir sur votre question, effectivement, le virus de l'hépatite C est un virus extrêmement variable. de par l'absence de fidélité en fait de l'ARN polymérase qui assure le recopiage du génome selon la complémentarité de base ATGC. Mmh. Et donc il y a un certain nombre d'erreurs qui sont introduites au cours des cycles réplicatifs. La plupart de ces erreurs sont abortives, c'est-à-dire qu'elles ont lieu à des endroits stratégiques qui ne permettent pas la production de variants infectieux, mais de temps en temps, ces erreurs provoquent un avantage sélectif pour le virus en termes de virulence, de pathogénicité, de résistance aux antiviraux. Et cette absence de fidélité de l'ARN polymérase ARN dépendante, qui est codée par la protéine NS5B du virus, est à l'origine de ce qu'on appelle la distribution en génotype. Il existe à l'heure actuelle 8 génotypes principaux du virus de l'hépatite C avec un certain nombre de sous-types à l'intérieur de chaque génotype. Mmh. Et puis d'une deuxième notion, c'est-à-dire qu'un patient qui est infecté par le virus de l'hépatite C n'est pas infecté par une population homogène de virus, mais par une population hétérogène. C'est ce qu'on appelle la quasi-espèce virale, qui est faite de populations minoritaires et majoritaires en équilibre instable et qui, en fonction des pressions de sélection imposées par le système immunitaire ou imposées par la pression thérapeutique imposée par les médicaments, peut se modifier au cours du temps. Mmh. Eliane Meurs, peut-être là-dessus, parce que c'est effectivement très important et on va en reparler certainement pour le développement des traitements, mais effectivement, comme beaucoup de virus à ARN, lorsque le virus crée des copies de lui-même, il se trompe, donc il mute beaucoup, et donc du coup, en général, ça crée des virus contre lesquels il est plus difficile de lutter parce que, bien, il trompe en quelque sorte le système immunitaire. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas que comme ça qu'il trompe le système immunitaire, évidemment. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure à l'occasion des traitements. Ce qui me fait penser, c'est que lorsqu'on a eu les premiers agents antiviraux directs, qu'on appelle les DAA, ça suffisait pas un seul, puisque il y avait toutes ces mutations qui échappaient à la, qui faisaient que le virus échappait au traitement. Il a fallu arriver à faire les trois. DAA qui ciblait les trois protéines essentielles trois des protéines essentielles du virus, NS3, la protéase NS5A et la polymérase NS5B, pour arriver à augmenter le traitement pratiquement jusqu'à guérir complètement les patients. Et le premier n'en suffisait pas. Donc, évidemment, le virus, à chaque fois, fait des mutants d'échappement. Mmh. On va parler évidemment des traitements tout à l'heure dans la deuxième partie. Peut-être qu'on peut continuer à décrire un peu ce virus. On a dit Stéphane Chevalier qui se transmettait par le sang infecté uniquement. En revanche, on l'a dit tout à l'heure aussi, il fait évoluer le patient vers une phase chronique, mais après une phase aiguë. Mais il y a aussi énormément de 20 à 30% des patients qui en guérissent spontanément. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu justement de ces symptômes et de l'expression de la maladie? Alors malheureusement pour le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui infecte, comme vous l'avez dit, donc quasi exclusivement par le sang. Il a la particularité de ne pas induire de symptômes, ou très peu de symptômes, en tout cas des symptômes qui sont peu spécifiques. Et de ce fait-là, l'hépatite aiguë est généralement asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle est totalement silencieuse. Et comme vous l'avez dit, il y a à peu près 60 à 80% des individus qui évoluent vers une forme chronique et qui évolue vers l'une de ces complications en 20 en 30 ans, l'absence de comorbidité. Et donc la difficulté pour ce virus, c'est en tout cas de faire son diagnostic sans dépistage, c'est que la phase aiguë est généralement asymptomatique. Mmh. Eliane Meurs, ça se propose sur l'évolution de la maladie. Qu'est-ce qui se passe par exemple quand on est infecté par l'hépatite C? En fait, il y a beaucoup de diagnostics qui sont posés par hasard en fait à l'occasion d'une analyse de sang, mais parce que effectivement beaucoup de gens peuvent être contaminés sans s'en rendre compte. Oui, mais pour revenir sur les fameux 20% qui, après une infection aiguë, se débarrassent du virus, ça veut dire que ces patients-là ont été capables de monter une réponse immune innée rapidement. Une réponse immunitaire innée, oui. Une réponse immunitaire innée et puis adaptative peut-être aussi en fonction de leur patrimoine génétique, puisqu'il y a le polymorphisme qui était aussi impliqué dans la réponse ou non. Et tout ça fait que ce virus donc est éliminé par les cellules. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été engagés pour comprendre comment le virus activait cette réponse immuninée. Et puisque on sait que 80% des patients développent une infection chronique, pourquoi cette réponse immuninée n'est pas capable d'agir? C'est parce que le virus a lui-même monté des stratégies d'échappement et donc de détruire certains des mécanismes de la cellule qui seraient capables de l'éradiquer, enfin de l'éliminer. Et bien entendu, je pense à l'induction de l'interféron et des cytokines inflammatoires. Ça, on va y revenir au moment du traitement. Peut-être un mot, justement, comment ça se passe? Quel est le cycle infectieux au niveau cellulaire, au niveau des hépatocytes? Qui veut répondre à ça? Eliane Meurs, vous voulez me dire un mot là-dessus? Oui, c'est un virus qui circule, de taille environ de 50 à 80 nanomètres, et qui circule sous la forme de lipoviroparticules. C'est-à-dire des petites particules enveloppées de graisse. C'est une boule de graisse, ce virus. Voilà. Et il rentre. Il faut imaginer que les patients sont infectés par le sang, et puis le sang circule dans tout l'organisme, arrive dans le foie. Et donc là, le VHC est progressivement retardé en se fixant de façon non spécifique sur certains récepteurs, non encore trop spécifiques, mais ça le retarde. Mais déjà sur les hépatocytes. Sur les hépatocytes, sur les hépatocytes, donc les héparines sulfates, etc. Et puis ça le retarde, ce qui fait qu'au bout d'un moment, de rouler comme ça le long de la membrane externe de l'hépatocyte, il arrive sur ses vrais récepteurs, donc CD81, SRB1, qui vont progressivement l'amener vers les jonctions serrées entre les hépatocytes. Il faut dire que l'architecture du foie est très compliquée. Et donc à l'intérieur, il y a encore deux autres récepteurs, claudine et occludine. Et donc là, il faut aussi saluer le travail de Charlie Rice dans la découverte de ces deux récepteurs. C'est-à-dire qu'il se glisse entre les cellules et à l'intérieur des cellules, il arrive à trouver d'autres récepteurs qui vont lui permettre de rentrer. Avec ces quatre récepteurs, plus l'aide encore de récepteurs intracellulaires qui vont apporter de l'énergie, il va enfin pouvoir être internalisé par la voie des endocytoses. Et ensuite, il y a fusion entre sa membrane, ses enveloppes et la membrane de la cellule, et il rentre pour se faire traduire et commencer sa réplication. Et pour la réplication, c'est la même chose, il a énormément besoin de s'intégrer dans une atmosphère lipidique, donc il se met au niveau de plusieurs structures du réticulum endoplasmique, et puis il fait ses propres petites couches, multicouches, etc. C'est un virus qui a besoin de lipides, pour pouvoir ensuite avoir le plus près possible toutes ces protéines pour qu'il puisse de nouveau refaire sa capside et puis se rassembler et à ce moment-là mettre ses enveloppes correctement et sortir de la cellule. Comment est-ce qu'on explique, Stéphane Chevalier, finalement, c'est à cause de cette lenteur des processus virologiques que vient d'expliquer Eliane Meurs qu'on peut expliquer finalement cette longue phase asymptomatique ou en tout cas cette espèce de silence symptomatique, une certaine lenteur dans le développement de la maladie, ou est-ce que ça n'a rien à voir du tout? Oui et non, parce qu'effectivement, il a besoin de très nombreux partenaires cellulaires et en particulier du métabolisme lipidique pour se multiplier. Mais d'un autre côté, la cinétique du virus en lui-même est extrêmement importante. C'est-à-dire que le temps de demi-vie est extrêmement court et la capacité des hépatocytes à produire du virion infectieux, c'est aux alentours de 10 puissance 12 particules infectieuses par jour qui sont produites et qui sont effectivement détruites au départ par le système immunitaire. Donc, vous voyez, il a quand même un cycle relativement court et en tout cas la capacité de produire un grand nombre de particules infectieuses virales par jour. Eliane Meurs, à ce propos? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que je vous décrivais, c'était étape par étape, mais en fait, effectivement, ça va très très vite et il y a une grande production de virus et qui de nouveau réinfecte les cellules. Mais les cellules vont être progressivement affectées avec le temps. Une cellule peut être infectée par un virus, hépatite C, produire le virus, une autre cellule va être infectée, mais rien ne va trop se passer comme dommage. Ce n'est qu'avec le temps, au bout de plusieurs années, qu'il y aura, par exemple, on peut arriver à la fibrose, aussi atteinte des cellules externes, des pots de collagène, de membrane extracellulaire qui va finalement être néfaste pour le foie. Voilà. On va voir cette évolution du virus et de la pathologie. On va voir aussi comment aujourd'hui on la guérit. Quelles sont les pistes de recherche pour peut-être un jour arriver à un vaccin qui échappe toujours pour le moment aux scientifiques? Un jour, n'ayant pas mon rasoir, chez un coiffeur, je dus m'asseoir. Un jeune commis bien aimable m'offrit un fauteuil confortable. Me voyant, le patron tout bas lui dit « Attention Nicolas, vous n'êtes plus un débutant, voilà votre second client. Tâchez un peu de vous rattraper, faites attention, je vous surveille. Tâchez de ne pas encore couper une oreille. » J'avais parlé légèrement, voyant déjà, c'était charmant, un petit bout de ma binette valsait gaiement dans la cuvette. Maintenant l'apprenti Merlan me regardait l'air pantelant. Son affreux rasoir en avant, il semblait dire en m'observant. Mais je ne serai rien à contourner. D'ici à là, je passe et je te repasse. Seulement voilà, il y a ce bon Dieu de nez qui dépasse. Quand il m'eut blanchi le menton de la mousse de son savon, il cogne à l'arrière-boutique, tout parle, tout énigmatique. Il revint au bout d'un moment, dissimulant des pansements, un flacon d'iode et du coton, un charmant pour les précautions. Dis rien, paraît que ça vous rassure, instinctivement, alors m'inquiète. Je cherchais un peu le panier de sucre pour ma tête. Mon pourvoi a été rejeté, le rasoir fut alors porté d'une main vraiment pas très sûre sur la pâleur de ma figure. Il tenait ça comme un bâton, comme un cierge ou un mirliton. Mon Dieu, qui lui avait appris à raser à cette ahurie. Il procédait par moulinet et zou pour la moustache, un peu comme s'il fauchait les prés pour les vaches. Chaque coup qui me rabotait, je croyais bien. Le rasoir du coiffeur de Raymond Soublex et Noël Noël à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de l'hépatite C, du virus de l'hépatite C qui a valu le prix Nobel le 5 octobre dernier à Michael Houghton, Charles Rice et Harvey Alter. Nous en parlons avec Eliane Meurs qui est virologue, ex-directrice de l'unité Hépacivirus et immunité innée à l'Institut Pasteur, membre du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, et Stéphane Chevalier, qui est professeur de médecine à l'Université Paris-Est Créteil et directeur adjoint du Centre National de Référence des Hépatites Virales B, C et Delta. Nous allons donc, dans cette deuxième partie, parler des traitements, parce que l'hépatite C a donc ceci de particulier, que c'est l'une des rares maladies virales pour laquelle il existe un traitement très efficace, mais malheureusement, notamment en cas de comorbidité, l'hépatite C peut aussi aboutir à des formes sévères plus complexes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au service d'hépatologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny où est menée une étude sur une cohorte de patients atteints de l'hépatite C. Oui, il s'agit d'une cohorte qui s'appelle CIRVIR et qui a été réalisée sur une dizaine d'années. Les résultats ont été publiés il y a 2 ans, en 2018. L'enjeu, c'était de suivre des patients ayant eu une hépatite C et pour savoir qui d'entre eux, par la suite, pouvait développer ou non une cirrhose ou bien un cancer du foie. Il s'agit donc d'une étude observationnelle prospective qui a permis de déterminer les facteurs de complications chez ces patients. Le docteur Pierre Naon a co-encadré cette étude et selon lui, même si le bilan reste globalement rassurant, il est nécessaire de faire un dépistage régulier et de poursuivre en parallèle les travaux de recherche. En pratique clinique, un malade qui a une cirrhose, quelle qu'en soit la cause, l'hépatite B, l'hépatite C, l'alcool, ou souvent tout est mélangé, hein. Les patients, ils n'ont pas qu'une seule maladie. Donc on les inscrit dans un programme de dépistage. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on leur fait une échographie du foie. Là, le dépistage du cancer du foie se fait uniquement chez les gens qui ont une cirrhose. Et pour ça, l'hépatite C a été un modèle pour nous, parce qu'on a eu la chance en France d'avoir l'ANRS, donc l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, donc qui avait une grande expérience du VIH, et qui nous a permis de monter ces cohortes. Donc ça coûte très cher. C'est-à-dire, par exemple, la cohorte dont on parle, qui s'appelle la cohorte CIRVIR, elle a coûté 250 000 euros par an, c'est-à-dire de frais de recherche uniquement. Donc, il faut dire qu'il y avait un très grand nombre de patients, 1300 ou 1800 à l'origine. 1300 personnes inscrites, donc qui avaient des cirrhoses et qui étaient suivies dans tous les centres, on va dire, de France et de Navarre, où on suivait ces patients. Presque une quarantaine de centres, là, c'était voilà, vraiment une étude multicentrique. Voilà, il y avait 40 centres en France, et effectivement, 1300 patients qui ont été suivis pendant environ, ont commencé à être inclus en 2006, et le suivi s'est fini en 2016. Et donc effectivement, pendant cette période, on a pu observer donc, des cas incidents, donc prospectifs, où effectivement, ces malades ont développé des cancers ou pas des cancers. Et donc on a pu, d'une part, décrire l'incidence, mais également les facteurs de risque, essayer de comprendre pourquoi certains développaient des cancers, d'autres non. Et puis surtout, cette cohorte s'est faite d'un point de vue temporel entre 2 périodes thérapeutiques, c'est-à-dire l'époque où on avait des traitements peu efficaces à base d'interférons, et on a vu arriver des traitements plus efficaces à partir de 2010-2014, dans ces thérapeutiques, où on guérissait tous les patients. Et aujourd'hui, les patients qui sont encore en suivi, on voit qu'effectivement l'incidence a profondément diminué, mais elle n'est pas nulle. Parce que les malades gardent une cirrhose, ils ont peut-être plus l'hépatite C, mais ils gardent des facteurs de risque de cancer, comme le diabète, l'obésité, parfois une consommation d'alcool, et donc on les surveille encore. Toute leur vie, on les surveillera. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, le temps d'observation est fondamental pour comprendre ces épidémies. Donc là, vous avez publié vos travaux, les premières conclusions ont pu être publiées en 2018. Donc là, on est typiquement dans la période où vous pouvez faire des statistiques pour des prochaines études peut-être. Alors maintenant, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on travaille à partir des biobanques des malades. C'est-à-dire que les malades, tous les ans, on leur fait les prises de sang qu'on met au congélateur. Ce qui nous permet donc depuis 2006 d'avoir en stock dans des congélateurs des prélèvements sanguins congelés qui nous permettent maintenant de faire des analyses pour mieux comprendre les maladies, c'est-à-dire la prédisposition génétique, par exemple, ou savoir si on trouve des biomarqueurs de diagnostic précoce du cancer. Et donc, on sort finalement de l'histoire de l'hépatite C, on revient vraiment à l'histoire du cancer et de la cirrhose, et justement au fait que certains individus vont ou ne pas développer, et on essaie de mieux comprendre ça, donc a posteriori, mais à partir de bases de données et d'échantillons collectés prospectivement. Vous voyez, ça, ce sont les collègues donc, qui font la visite. Donc, les patients sont dans des chambres et les infirmières que vous voyez par là-bas, donc, qui vont les voir régulièrement, et les médecins. Donc, vous voyez, donc, aujourd'hui, tout est informatisé. Et donc, c'est quoi sa durée de séjour ici? Alors, ça dépend. Il y a différentes ailes. Par exemple, là, ici, c'est l'aile. Ça, c'est les hôpitaux de semaine. C'est-à-dire que les malades, ils viennent, ils sont programmés pour venir. Et ce sont des patients qui sont programmés pour des traitements de cancer du foie. Traitements interventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés plusieurs jours parce qu'on va les opérer de leur cancer. Et donc, vous voyez, ils sont hospitalisés dans ces chambres. Ils arrivent le lundi, par exemple, ils vont être opérés le mardi, ils sortent le jeudi ou le vendredi. Et vous voyez que, en termes de recherche, un patient qui rentre, qui serait, par exemple, dans une cohorte comme Servir, il a un cancer, l'infirmière va lui faire donc, les prises de sang avant l'intervention, mais va aussi lui faire toutes les biobanques dont je vous ai parlé. Et ces biobanques sont mises dans un congélateur local. Et tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ces prélèvements sont après envoyés dans le centre de ressources biologiques dont je vous ai parlé, où tout est référencé. Et on peut après avoir effectivement accès et corréler les bases de données cliniques avec le prélèvement. Ce qui compte, quand on a autant de patients qui sont suivis pendant des années, c'est de pouvoir dire à tel moment, on veut récupérer tel tube congelé pour doser tel biomarqueur. Vous voyez, ça, c'est des postes de soins où sont les infirmières. Mesdames, bonjour. Bonjour. Ça, ce sont les soins. Vraiment, ce sont les infirmières qui préparent justement un malade qui va descendre au bloc pour avoir une intervention. Il a besoin, par exemple, d'un antibiotique avant de descendre au bloc. Un malade qui arrive, comme je vous disais, en urgence, qui a fait une hémorragie, il a besoin de traitement pour arrêter l'hémorragie avant d'aller faire son examen. Voilà. Vous avez vu, donc, ici, donc, c'est l'aile où sont hospitalisés les malades qui sont instables, qui arrivent en urgence. Là-bas, c'est les malades programmés. Et l'autre aile, c'est ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Donc les malades viennent le matin, ils sortent le soir. Ce sont des patients qui viennent, par exemple, soit pour un bilan, ils viennent, par exemple, on leur a trouvé un nodule dans le foie, on va faire une biopsie pour savoir si c'est un cancer ou pas, par exemple. Et tenez, regardez, vous voyez, c'est une dame qui travaille pour la recherche. Dans sa petite poche, elle a des prélèvements pour la recherche. Ah, des échantillons. Et ben, venez, allez, on va voir ça. Mesdames, bonjour. Bonjour. Donc c'est une de nos collègues qui travaille dans la recherche, et justement, vous voyez, donc, nos infirmières prélèvent les patients. Donc des tubes après, effectivement, donc il y a ceux qui servent pour le soin. Et vous voyez, donc la recherche clinique, c'est ça. C'est calquer sur le soin des protocoles de recherche. Et typiquement, on essaye un nouvel anticancéreux ou on fait une étude observationnelle comme Servir dont on parlait. Donc le malade ne va pas en tirer un bénéfice direct, immédiat, le jour même. Mais effectivement, on a du personnel dédié de recherche qui va effectivement récupérer ce prélèvement, le mettre dans un congélateur à moins 80. Et comme je vous le disais, il va être envoyé dans 6 mois, dans 1 an... dans un centre de ressources biologiques, bah essayer de comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, la prédisposition génétique, quelque chose qui va nous faire dire tel patient, il faut tel traitement. Aujourd'hui, on ne sait pas encore répondre. Donc on teste ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire que cette recherche se fait au lit du malade. Et donc là, aujourd'hui, dans le cancer du foie, on est dans l'ère des immunothérapies, comme dans beaucoup de cancers. Vous voyez qu'on fait des prélèvements pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'un patient va répondre à une immunothérapie ou pas. Voilà le reportage du jour sur ce service des pathologies de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre et bien la recherche qui continue autour de ces traitements de l'hépatite C, Eliane Meurs. Moi, je trouve ça prodigieux de pouvoir ainsi suivre les patients et cette relation entre la recherche toujours et la recherche fondamentale et la recherche clinique. C'est essentiel, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, voilà, c'était un reportage modèle de ce oui. qu'il faut faire en recherche et en discussion entre la recherche clinique et la recherche fondamentale. Stéphane Chevalier, un mot sur ce que vous venez d'entendre? Ah, je suis tout à fait d'accord avec Eliane. Et puis on peut remercier au passage, effectivement, comme l'a fait dans le reportage Pierre Mahon, l'ANRS, qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, qui est un grand contributeur de cette recherche, non seulement sur le VIH, bien sûr, mais sur les hépatites virales, et en particulier les complications liées à l'hépatite C, où Pierre Mahon travaille quotidiennement sur, effectivement, la cirrhose et le cancer primitif du foie. Mmh. Oui, je vous en prie, allez-y. Non, parce qu'il est très important, autant si on en reparlera dans quelques instants, l'hépatite virale par le virus de l'hépatite C est guérissable par des traitements bien conduits, autant la cirrhose et le cancer primitif du foie, on a des difficultés effectivement à les guérir, même si on parle d'immunothérapie avec ces traitements qui sont de plus en plus efficaces, mais qui sont aussi également coûteux, avec des effets secondaires. Il faut pas oublier quand même que ce sont des complications extrêmement graves et dont la guérison est loin d'être assurée. Mmh. Avant de parler des traitements, peut-être qu'on pourrait dire un mot, Eliane Meurs, sur l'épidémiologie aujourd'hui de l'hépatite C. En France, je dis 4 à 5 000 cas par an, 130, 140 millions de cas mondiaux, avec une diminution. Quelle est la tendance et quels sont les chiffres dont on dispose? Pour les cas mondiaux, d'après les chiffres qu'il y avait en 2017, il faut que je les retrouve là parce que je n'ai pas tout par cœur, mais dans ma tête, c'était plutôt 71 millions de cas hépatite C et 235 pour hépatite B. Donc ça descend pour l'hépatite C et effectivement les traitements sont efficaces, mais là il y a quand même une inquiétude, c'est que bon, vous savez que l'OMS a déclaré que la cible pour 2030 ça serait l'éradication. L'élimination de l'hépatite C, mais pour ça, il y a des modèles mathématiques qui disent qu'il faudrait au moins 7% de décroissance par an. Et actuellement, on en serait qu'à 0,4%. Ah oui, ce qui n'est pas exactement le même ordre de grandeur. Donc, on pourra penser que le but, ça ne va pas être atteint vraiment. Et puis aussi, comme gros problème, c'est que il y a de plus en plus de communautés à risque, comme les comment ça s'appelle, ceux qui s'injectent des drogues. Bon, les voilà. Usagers de drogue. Les usagers de drogue, tout simplement, voilà. Mm-hmm. Et qui donc, ce sont des communautés pas tellement faciles à aborder, et pour pouvoir on peut les traiter, mais mm-hmm. ils se réinfectent. Parce que traitement avec les antiviraux absolument fantastiques que l'on a, c'est bien, mais le virus peut réinfecter. Étant entendu que les usagers de drogue peuvent s'infecter quand ils partagent leur matériel d'injection, qu'il y a des usages safe qui peuvent permettre... Mais d'un autre côté, on peut dire que si on arrive à atteindre bien ces communautés et à leur donner le traitement régulièrement, à ce moment-là même, s'il y en a qui se réinfectent, la propagation va être plus lente, et donc on peut arriver à... s'en sortir. Hein. Stéphane Chevalier, justement, sur les populations vulnérables, sur l'épidémiologie en général, un commentaire? Alors effectivement, comme l'a précisé Eliane, il y a des populations à risque, hein, qui sont les usagers de drogue, essentiellement les usagers de drogue par voie veineuse, mais également les usagers de drogue par voie nasale. Il y a d'autres populations particulièrement à risque aussi, qui sont les sujets incarcérés, privés de liberté dans les prisons, dû à la consommation de produits illicites éventuellement, mais pas simplement, dû aussi à l'échange de seringues pour l'injection de produits anabolisants également. Et puis, il y a les travailleurs du sexe, et puis d'autres populations à risque depuis ces dernières années, que sont les homosexuels ayant des relations sexuelles avec des hommes, que sont les HSH, qui font aussi des hépatites aiguës et des hépatites chroniques, et à qui il faut proposer, bien sûr, un traitement pour éviter la propagation du virus et donc diminuer le réservoir. Qui ont des rapports non protégés, bien entendu. Exactement. Voilà. Alors justement, parlons un peu, si vous le voulez bien, des traitements. Quelle est cette particularité, Stéphane Chevalier, de l'hépatite C? Parce que on en parle beaucoup aujourd'hui avec la recherche autour du SARS-CoV-2. On a redit à quel point les virus étaient en général difficiles à traiter, qu'on peut en traiter les symptômes, mais que, eh bien, tous les virucides, les antiviraux n'étaient en général pas très ou assez peu efficaces, qu'il était difficile de mettre au point des vaccins. Pourquoi et comment l'hépatite C a réussi à être traitée avec un tel taux d'efficacité? Et on parle bien, et vous avez eu raison de le préciser tout à l'heure, de la phase virologique avant les fibroses, les déclarations de cirrhose ou éventuellement de cancer du foie. Stéphane Chevalier. Alors c'est vrai que c'est quand même un bouleversement dans la prise en charge des infections virales en règle générale. C'est vrai que pour la première fois, c'est un virus qui a été découvert en 89 et effectivement... En 2020, on est capable de guérir la plupart des sujets infectés par des traitements relativement bien tolérés, voire très bien tolérés, après un traitement de 8 à 12 semaines associant 2 ou 3 molécules. Et donc c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait jamais connu jusqu'alors. Alors il faut bien comprendre, hein, et comme l'avait précisé ultérieurement Eliane Meurs, c'est vrai que contrairement au VIH ou au virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C est un virus où il n'existe pas, qui ne s'intègre pas dans le génome de la cellule hôte, comme le VIH ou comme le VHB. Il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de réservoir, et donc il est plus facilement guérissable sur le plan virologique avec des traitements extrêmement efficaces. Alors si on fait un petit peu d'histoire, effectivement, alors que dans les années 90, fin des années 90, les patients bénéficiaient d'un traitement à base d'interférons standards qui nécessitait des administrations trois fois par semaine, au prix d'effets secondaires importants, a été dans un second temps ajouté donc la ribavirine, qui est un médicament, effectivement, un analogue de la guanosine, dont on ne sait toujours pas bien comment il agit dans l'hépatite C ou même dans d'autres maladies virales pour lesquelles il peut être utilisé, et qui permettait, effectivement, dans les années 2000, un taux de guérison qui était aux alentours de 50%. C'est-à-dire qu'un patient sur deux ne guérissait pas d'infection par virus de l'hépatite C. Et puis, il a fallu attendre 2011-2013 pour voir apparaître donc les premiers antiviraux directs, qui était uniquement actif contre les souches de génotype 1, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il existait 8 génotypes principaux du virus de l'hépatite C, les souches de génotype 1 étant le génotype le plus prévalent dans le monde, à peu près 50%, les industriels ainsi que la recherche académique a développé dans un premier temps donc des médicaments uniquement actifs contre les souches de génotype 1. Mais là encore, les premiers antiviraux directs devaient s'administrer encore avec la ribavirine et l'interféron téguidé, et ça a quand même permis de guérir à peu près 70% des patients infectés uniquement par des souches de génotype 1. Et puis, il a fallu attendre quelques années pour avoir des nouveaux antiviraux qui avaient un spectre d'action beaucoup plus large, qui permettaient de guérir les autres génotypes, non 1. Et puis maintenant, on peut s'affranchir complètement donc de l'interféron téguidé et également de la ribavirine avec un cocktail d'antiviraux qui permet de guérir plus de 95% des sujets infectés par le virus de l'hépatite C, et ce, quel que soit le génotype, quel que soit le stade de fibrose et le fait que vous soyez ou non co-infecté par le VIH. Et ce, par voie orale, ce qui quand même rend les choses beaucoup plus simples. Peut-être un mot justement sur ces différentes stratégies que vient de brillamment résumer Stéphane Chevalier. C'est vrai qu'on a longtemps dit l'hépatite C, ça se traite par cette interféron péguilé et ribavirine. Déjà, rappelez-nous peut-être ce que c'est que l'interféron, parce qu'on en a beaucoup entendu parler aussi récemment autour du Covid-19. Qu'est-ce que c'est qu'un interféron? Pourquoi ça a marché? On était, hein, comme le disait Stéphane Chevalier, au début des années 90, il y a 30 ans, 6% des malades était soigné juste par interféron, et puis on a monté petit à petit avec ces différentes combinaisons d'antiviraux, mais peut-être nous dire en deux mots en quoi il consiste et comment ça fonctionne. L'interféron, c'est une protéine qui est sécrétée par nos cellules, toutes nos cellules, en réponse à un stress pathologique comme une infection virale par exemple, voilà. Et pour cela, les cellules sont équipées de senseurs qui sont capables de détecter le self du non-self, c'est-à-dire le soi du non-soi. Le soi du non-soi, c'est-à-dire un virus ARN, ça présente des structures qui vont être reconnues par tel ou tel senseur, pareil pour un virus ADN, etc. Différents senseurs, ce qui fait que ensuite, il y a tout un mécanisme de l'ego qui se met en place pour aboutir à la transcription de gènes, de les gènes de l'interféron, qui va être sécrété par les cellules et va pouvoir agir dans l'environnement cellulaire. Donc, non seulement la cellule qui l'a produite, mais toutes les autres aussi autour. Ce qui veut dire que comme ça, il peut... bien entendu, se fixer sur les récepteurs spécifiques sur des cellules et en enclencher toute une synthèse de gènes qui vont avoir des actions antivirales spécifiques sur tel ou tel virus. Donc, c'est très large. Mais du coup, Eliane Meurs, la question, c'est que puisque nous sécrétons nous-mêmes des interférons, pourquoi faut-il en rajouter par une prise extérieure ? Parce que le... Ça, c'est une très très bonne question. Je vous remercie. Ça, c'est vrai. pour accélérer peut-être simplement le processus, pour... je sais pas. Mais en fait, parce que quand je vous ai dit, comme beaucoup de virus, le virus de l'hépatite C... se permet d'annihiler l'induction de l'interféron et les réponses à l'interféron. Donc, du coup, voilà, il continue à se propager et il n'y a plus rien pour non seulement avoir un effet antiviral direct sur ce virus, mais également pour activer la réponse immune adaptatrice. Donc, pour ça qu'on rajoute de l'interféron. Alors, au départ, on mettait de l'interféron tout seul. Et puis là, Stéphane a mentionné l'interféron péguilé. Péguilé parce qu'on rajoute du polyéthylène glycol, ce qui fait que ça stabilise la molécule et donc son action peut être beaucoup plus longue avant que l'organisme le détruise, le dégrade. Stéphane Chevalier, un mot là-dessus, ou peut-être aussi, vous le disiez, la ribavirine, ça marche, mais c'est un peu un coup de bol ou de la sérendipité, pour le dire avec un mot plus poli. Ça marche, mais on comprend pas bien les mécanismes exacts d'action de la ribavirine. C'est tout à fait ça, effectivement, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, la ribavirine, ça a été un coup de bol, c'est-à-dire c'est l'ENH, là encore, Jeff Nagel, qui a effectivement, de façon totalement empirique, utilisé la ribavirine avec de l'interféron standard, et on s'est aperçu que des 6% dont vous parliez de guérison, on est passé à 15-20%. Mais à l'heure actuelle, en 2020, même si la ribavirine est de moins en moins utilisée, parce que les patients n'en veulent plus, parce que les hépatologues et les infectiologues n'en veulent plus non plus, on ne sait toujours pas comment la ribavirine dans le traitement d'hépatite C agit ou agissait. C'est une molécule miracle qui a quand même rendu bien des services pendant de très nombreuses années et qui reste encore dans l'arsenal thérapeutique, puisque chez les patients réputés difficiles à traiter, la ribavirine peut être ajoutée aux antiviraux directs. Que s'est-il passé, Stéphane Chevalier, en revanche, du côté de la vaccination? Pour le moment, le vaccin, c'est une impasse. Ouais. Pourquoi? Alors là, c'est vrai que la vaccination, pour l'instant, c'est une impasse, même si effectivement, quand on parle d'éradication, théoriquement, on parle également de vaccin. Malgré que la recherche vaccinale soit encore présente, effectivement, on a des très grandes difficultés à mettre au point un vaccin. Et il faut quand même pas oublier, il faut pas oublier en plus que la recherche vaccinale va avoir un petit peu plus de mal dans la mesure où les crédits alloués à la recherche vaccinale vont pas avoir tendance à augmenter dans la mesure où on a des excellents médicaments qui guérissent la plupart des patients. Donc la recherche vaccinale, effectivement, va avoir du mal à perdurer. Ilia Meurs. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec Stéphane, parce que c'est un gros souci actuellement de il faut pouvoir continuer la recherche sur l'hépatite C. Heureusement qu'on est aidé par la NRS pour ces recherches-là. La recherche vaccinale, c'était pratiquement dès le départ, dès qu'on a identifié le virus de l'hépatite C. Donc il faut dire que Michael Houghton s'y est lui-même attaché. Et il a commencé par... Donc il faut dire que pour la recherche vaccinale, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise comme antigène les enveloppes même du virus de l'hépatite C. Les enveloppes lipidiques que vous décriviez? Pas lipidiques, non. Les enveloppes du virus E1 et E2. Parce que les enveloppes qui sont noyées dans la couche lipidique, mais qui dépassent un petit peu quand même. Et donc il y a différentes stratégies vaccinales qui sont à l'heure actuelle utilisées, mais c'est surtout travailler sur la présentation de ces antigènes E1 et E2 pour que l'organisme le reconnaisse et fasse des anticorps corrects. Je crois qu'il y a une équipe de Tours qui travaille en ce moment à mettre. Oui, je voulais parler du professeur Philippe Poinjean à Tours, qui lui fait un type de vaccin chimérique HBV-HCV, puisque nous avons un vaccin HBV qui est très performant. Contre l'hépatite B, donc. Contre l'hépatite B. Et donc, y mettre ces fameuses protéines d'enveloppe E2 dans leur conformation la plus naturelle possible, et ce qui permettrait à la fois de vacciner à la fois contre le B et contre le C. Ces études, il faut absolument continuer à les financer, parce que cette approche en France est menée de façon prodigieuse. Il y a d'autres approches dans le monde. Il y a aussi le développement maintenant de ce que l'on sait sur les anticorps, ce qu'on appelle les neutralisants à large spectre. Ce qu'un patient est capable de faire, des neutralisants, mais il faut d'abord les reconnaître et puis les amplifier et puis traiter les patients. Mais l'approche vaccinale est très importante. Pourquoi? Parce que les traitements marchent très bien, on guérit quelqu'un, il peut se réinfecter, et se réinfecter, et on s'en sort pas. Donc il faut un vaccin. Mmh. Un mot pour conclure, Stéphane Chevalier, vous le disiez tout à l'heure, Eliane Meurs en parlait, objectif d'éradication de la maladie de l'OMS à l'horizon 2030, 2025 en France. Est-ce que cet objectif aujourd'hui, il vous semble tenable, il vous semble réaliste, ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? C'est un bel objectif, effectivement, que la France a décidé de mener, mais pour y arriver, il faut absolument renforcer le dépistage. C'est-à-dire que, effectivement, le rapport de Daniel Dubois avait préconisé en 2016 un dépistage systématique, au même titre que le VIH et le VHB. Ce dépistage systématique de tout sujet âgé de plus de 18 ans n'a pas été retenu par la HAS, la Haute Autorité de Santé, mais clairement, il faut renforcer le dépistage pour pouvoir envisager donc un contrôle de l'épidémie à l'horizon 2025. Surtout que désormais, on a vraiment des outils puissants pour dépister les populations qui viennent en consultation dans les en médecine de ville, dans les services d'hépatologie ou d'infectiologie, mais également le aller vers avec des tests en dehors des laboratoires de biologie, en dehors de toute structure hospitalière ou médicalisée qui permettent le dépistage à la fois de l'infection virale C, mais également de la sévérité de la maladie hépatique. Et etc. Merci infiniment à tous les deux. Merci Stéphane Chevalier, merci Eliane Meurs. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard de retour à la réalisation, Audrey Guélier aujourd'hui à la technique. Demain, nous irons aux confins de notre système solaire après Neptune, explorer un endroit froid et obscur. Nous irons explorer le nuage d'Oort, ce nuage d'astéroïdes et de petits corps encore hypothétique, qui recèlerait une partie de l'histoire de notre système solaire. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.